Je suis perdu, tu vois. J'aimerais bien faire un truc du double, moi. J'aimerais bien faire un truc comme ça là, mais plus vite. Attends. J'enlève la réverb. Tempo.

64. Voilà. Still gonna fight, no bad fight, no, no stop. Et je vais faire un petit tour sur Jamulus. Woo! Thank you.